bonjour et bienvenue aux amateurs de rock progressif à cette nouvelle émission de Rock de Neurones sur les ondes de C'est fou, le FM 89.1 à Trois-Rivières. Et vous êtes en compagnie de Jimmy Farley pour les deux prochaines heures. Et durant ces deux heures, on va entendre Galahad d'Angleterre, Piedi Nudi d'Italie, Les Ormés d'Italie, Mogon des États-Unis, Willow Glass d'Angleterre, Kansas des États-Unis, Cast du Mexique et Ben Craven d'Australie. Alors, comme d'habitude, nous avons le premier bloc de l'émission qui est consacré à ce qu'on appelle l'album de la semaine. Et cette semaine, c'est le nouvel album de Galahad. L'album s'intitule Seas of Change. C'est un album de 55 minutes avec trois pièces, dont la plus longue est de 42 minutes et 43 secondes. Et c'est complété avec deux autres pièces qui tournent autour de 6-7 minutes. Alors, la pièce titre de l'album Seas of Change, comme je le disais tantôt, dure 42 minutes. Et je vous propose un extrait quand même de 26 minutes. C'est les 26 dernières minutes de la chanson. Alors, on y va tout de suite avec Seas of Change de Galahad, une nouveauté. It's all got very un-English up in the smoke. Oops, it seems the politics is broke. All the leavers have left and the remainers are all in a tizz. What on earth is going on in the hallowed corridors of Westminster? We've never seen anything quite like this before. A massive melting pot, the public passion boiling over into so much antipathy and open hostility. So much for tolerance, understanding and free speech. And all the while the powers that be are tearing themselves apart. On and on, not so smart as it seems that those who have the reins are making it up as they go along, improvising new tunes which don't quite scan. We'll be right back. Jesus is a dirty word, and no one can agree to what is or what should never be. Certain members are now showing themselves to be not quite what they hold they be perceived. Of war. Under the innocent laughter, beneath the internal tension, behind the diplomatic courtesy, a network of compacts and alliances links the powers together in misfortune. Classes, sing party politics, Just for a moment was irrelevant, inconsequential. Perhaps a small glimmer of light from out of the quagmire. So much political confusion, delusion and deceit. Of alliance and the dictates of friendship. These were the fatal words, these were the concepts which would bring Europe's long holiday of peace to a sudden end. It's all a bit of a madness. Nobody knows what to do for the best. Those who say they do probably making it up too, just like we're all All around is danger. Danger, danger, everywhere is danger. Danger, danger, all around is danger. Trusting, trusting, how can we be trusting? Trusting, trusting, how can we be trusting? Trusted, trusted, who can be trusted? Can anyone be trusted? Faces, faces, there are narrow faces. Faces, faces, faces behind faces. Multiple faces. Faces all around me. journey into the great unknown. Batten down the hatches, boys and girls, in readiness for the storm ahead. Ready for more seismic shifts, some of which may be off the scale. So many seeds of change are a-coming, blowing in on the cold winds of change. Bring it on, bring it on, bring it on. Alors, c'était le groupe britannique Galahad avec la pièce-titre, en fait, un extrait de la pièce-titre de leur plus récent album, Seas of Change. Après la pause, un petit bloc italien. Vous êtes à l'écoute de Rock de Neurone avec Jimmy Farley. Alors, ce deuxième bloc de l'émission est consacré à deux groupes de rock progressif italien. Il s'agit de A Piedi Nudi. C'est un groupe qui était actif dans les années 90 avec trois albums. Le premier, c'est l'album éponyme, paru en 1994. Ensuite, l'année d'après, il y a eu Creazione de 1995. Et en 1998, leur dernier album, Eclissi. Alors, c'est trois pièces extraites du deuxième album paru en 1995, Creazione, que je vous propose. C'est Partenza, La Ballerina et Nuova Vita. Et pour conclure le bloc, nous aurons une demande spéciale d'une fidèle auditrice de Saint-Roch. Saint-Roch est situé sur la rive ouest, ou je dirais plus la rive nord du Richelieu, entre Sorel et Belleuil. Et France est une fidèle auditrice depuis les tout débuts de l'émission. Et à chaque année, on reprend le cérémonial de lui faire jouer une pièce de son choix. Et cette année, elle a choisi d'entendre. En fait, c'est le thème de l'émission qu'on entend au début de chaque émission de Rock de Neurone. Et je vous propose trois pièces de Filona and Sorona de Léo Ormé. Et vous allez reconnaître sûrement les 30 secondes qui ouvrent l'émission à chaque semaine. Alors, c'est pour France. Alors, on débute ça avec Piedi Nudi. Vous êtes à l'écoute de Rock de Neurone avec Jimmy Farley. Gesto pacato dal fuoco al vestito, limpido.

Yeah.

sente il peso se nessuno si rivolge a lui. Là, c'était Les Ormes d'Italie avec trois extraits de l'album Felona and Sorona. Et ça, c'est pour rencontrer la demande spéciale de France de Saint-Roch sur le Richelieu. Et ça a été précédé de trois extraits de l'album Creazioni. Et c'est le groupe artiste Piedi Nudi qui a précédé. Alors, après la pause, nous aurons Mogon, Willow Glass et Kansas. Thank you. Vous êtes à l'écoute de Rock de Neurones avec Jimmy Farley. Alors, bienvenue à ce troisième bloc de l'émission Rock de Neurones. Et avant de débuter la musique, j'aimerais vous rappeler que vous pouvez retracer toute l'information concernant les artistes qui ont joué durant l'émission en consultant la page Facebook de l'émission Rock de Neurones. Et ça, c'est à chaque semaine. On débute ça avec Mogon. Mogon, qui est la version allégée de Fido. Ceux qui connaissent Fido se rappellent du très bon album Snow Torch qui est paru en 2011. Et Mogon étant la version allégée, eh bien, on n'a pas eu beaucoup de production de leur part. Il y a eu un album, si je me rappelle bien, c'était en 2012. Et puis c'était un album combiné, Fido et Mogon, Promotional Issue. Et tout ça a amené à une pièce qui est apparue sur la compilation Decameron 10 Days and 100 Novellas. Decameron, c'est un coffret de production inédite là, le coffret est compilé sur demande, c'est-à-dire qu'il y a un promoteur, je pense que c'est la revue Colosseus britannique, qui... demande aux artistes de produire des pièces inédites pour les albums de Decameron. Et puis, à ce jour, il y a 3 coffrets de 4 CD. Alors, on a plusieurs centaines de chansons qui sont d'intérêt, je dirais, plus que marquées. Alors, on aura 2 pièces extraites de cet album-là, dont Mogon, dont je vous ai parlé, et on aura aussi Willow Glass, qui est un multi-instrumentiste britannique, dont on connaît 3 albums, en 2005, 2008 et 2013. D'ailleurs, l'émission ici, on avait passé The Dream Harbor, un des derniers disques de Willow Glass. Alors, extrait de ce Decameron, on aura Snuff de Mogon et de Salvestri Tear. Et pour conclure le bloc, nous aurons Kansas, cette formation américaine, qui a 15 albums studio, qui était encore actif il y a deux ans, en 2016, lorsqu'ils ont fait paraître l'album de Prelude Implicit, mais l'album qui est le plus cité dans les références du rock progressif, c'est l'album de 1976, Left Overture, et je vous propose Magnum Opus, qui est extrait de cet album-là. Alors, on débute ça avec Mogon. For you, and there's nothing we can do.

qu'on venait d'entendre, c'est la formation américaine Kansas. Et cet extrait-là, ben, il date quand même de 42 ans. Ça a très bien vieilli. Et c'est tiré de l'album Left Overture, qui est paru en 1976. Et ça a été précédé de la formation britannique Willow Glass et la pièce de Salvestra Tear. Et en début de bloc, nous avions Mogon, la version légère de Fido, et la pièce Snuff. Après la pause, nous aurons Cast du Mexique et Ben Craven d'Australie. Vous êtes à l'écoute de Rock de Neurones avec Jimmy Farley. Alors, pour ce quatrième et dernier bloc de l'émission, je vous propose Cast. C'est un groupe mexicain, un groupe qui existe depuis 1994. Ils sont assez prolifiques parce qu'ils ont déjà 19 albums en 24 ans. C'est presque un album par année et souvent, ils nous proposent des albums doubles. Et c'est un de ces albums doubles-là que j'ai déterré un petit peu de mes archives. Et c'est en 2003, l'album s'intitule « All Bandalous ». Et je propose la pièce El Puente. Et on va conclure l'émission avec un artiste australien du nom de Ben Craven. Ben Craven qui, lui, est assez récent sur la scène du rock progressif. 2005, son premier album. Et il en a quatre. Et je propose une pièce de son plus récent album, Last Chance to Hear. Et puis, si vous voulez aussi retourner un petit peu en arrière avec Ben Craven, je vous propose l'album Great and Terrible Potions, que j'ai fait jouer abondamment ici dans les dernières années. Et cet album-là se démarque aussi par la pochette qui est d'un artiste très connu, Roger Dean, qu'on associe souvent à Yes et à Gentle Giant, entre autres. Il a fait la version britannique de la pochette de Octopus, puis il y a aussi Tales of Topographic Oceans de Yes, Fragile aussi, et bien d'autres. Alors, on y va tout de suite avec Cast. Thank you. frente al puente me encuentro hoy, por el cual deseo verte llegar. Tu presencia se impone al paisaje, llenando mis ojos de ti, como el verbo al poema engrandece, a mi vida conjugas igual. Como aroma de flores te esparces y mi entorno se llena de ti. Si tu imagen hubieras cambiado, a tus ojos tendría que mirar y encontrar el color de tu alma que ha pintado la mía por Et c'est comme ça que se termine l'émission Rock de Neurone de cette semaine. Ça a été Ben Craven que vous avez entendu et la pièce Critical Mass Part 2, c'est tiré de Last Chance to Hear. Je rappelle que Ben Craven est un artiste australien. Et auparavant, nous avions Cast, une formation du Mexique, et la pièce El Puente tirée de l'album All Bandalous, et ça, c'est paru en 2006. Alors, ceci met fin à la programmation musicale de l'émission, et je rappelle aux auditeurs que si vous voulez retracer l'information concernant les pièces qui ont joué durant l'émission, mais je vous invite à consulter la page Facebook de l'émission Rock de Neurone. Alors sur ça, j'espère que vous avez apprécié l'émission et si c'est le cas, ben je vous invite à nous revenir la semaine prochaine pour une nouvelle émission de Rock de Neurones sur les ondes de C'est fou, le FM 89.1 à Trois-Rivières.